l'éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée. Qu'Israël se réjouisse en son créateur et les fils de Sion en leur roi.